Oslo Deauville présente. Une étoile dans la gorge. La carcasse, on s'en accommode. On s'en fait une âme de pénitent. Et les oiseaux déploient leurs ailes, leur peau envahie de mycose. Je te dédie mes déceptions vénériennes. Que l'oracle se cache dans son trou. Nous n'avons plus besoin de mots sacrés. L'étable a brûlé dans une pâleur de cadavres. Le peuple de l'opium n'a pas besoin de religion. Les grandes contradictions qui nous sauvent, les horribles obligations de la vie. Parousie ternaire de pourriture humide, tu descends sur nos esprits comme la rouille s'allonge sur le fer. Les cérémonies saintes dont tu rêvais, la graisse de sanglier brûlée en sacrifice, noire conciliabule, noire coulure de pus blanc, face que nos mains tremblantes jettent les nouveau-nés sur la dureté des troncs, puis trouvent en tâtonnant la serrure silencieuse qui riait dans les palais de marbre et d'or. Le son d'un corps plane dans le lointain. Les murs sont faits de carcasses sanguignolantes. Sous le soleil noir à son zénith, les verres festoient et grouillent dans une ambiance de supermarché. Le beau réseau de ligatures nerveuses qui parcourt la mâchoire des cadavres se décompose en fines lanières. Nous ne sommes que sang et eau et sperme, oiseaux de lumière immaculés, loin de la perdition et de l'ennui. Le feu viendra purifier la vermine. La mort s'accouplera avec l'herbe. Les maladies s'écouleront dans la boue. Et la terre deviendra fertile. Le massacre prélude à la moisson. Les blesseront rouges comme le sang. Noir négatif des ombres sous les pierres, petits insectes cliquettent à la fraîcheur coloriée de bleu ou vif argent dilué de son songe, de l'informateur voûté par l'âge, et le remords abouti au bout de la cité. Ombre échevelée qui boit sa courte vie, à la courte cornue des animaux de marbre. Mare d'eau croupissante pour la jeune promise qui ombre ses pommettes au teint des orchidées, abandonne le gouffre qui nous désunira. Le vieil ami plein de sollicitude, aux plaies sanguignolantes que l'on couvre de sel, la noire liqueur des soirs désincarnés, vivant dans un bourbier tapissé d'or mortuaire. Songe à la dérision de ton vieillissement, qui ne jette jamais que des poussières déchues, arrachées à l'étoile qui te tenait plus pure. Tu es tombé plus bas que les larves repues, et l'horizon de gris pétrifie ta vision. Trust me now, sing the je ne dors pas. La ville est un moteur à explosion. Le souffle lointain, le roulis d'une mer étrangère. La nuit, quand je ne dors pas, la ville s'essouffle, ne m'essouffle pas. Quand je ne dors pas, c'est toute la nuit. Réveil impromptu. Attente d'un nouveau sommeil qui ne vient pas. Et comme il ne vient pas, la nuit quand je ne dors pas, la nuit s'essouffle. Passe dans la veille mieux que la veille. L'esprit de la nuit en plus. Quand je ne dors pas, l'esprit clair ou presque, c'est d'abord une oreille, une lucarne ouverte sur la nuit. La nuit, quand je ne dors pas, autant dire que je ne dors jamais, c'est peu dire. Thank you. Ainsi, je les emmerde. J'ai avalé 2 tablettes de tertian et 3 tablettes de Zyprexa, tout ce que j'avais. J'ai à peine arrondi. Je me couche. Je leur dis d'aller se faire foutre. Je prouve, j'espère, ce que je vaux, l'amour que j'ai eu en moi. Peut-être qu'ils cacheront l'affaire ou qu'ils mourront, tous. On verra. Cette pensée en suspens me laisse à mes rêveries. Je me couche. C'est la nuit tombée depuis 1 ou 2 heures. La petite fenêtre est ouverte. J'aime à dire la petite en souvenir de celle de mon premier appartement qui m'a porté les bruits du monde alors que celle-ci est grande en vérité. Les lieux se mélangent. Le temps aussi. Les mouvements, les nappes de nuit presque tangibles et douces. C'est une douceur comme j'aimais l'apercevoir. Une douceur grave, habitée de démons crémeux. Étonnamment et hors de tout cliché, je vous assure que c'est vrai, je n'y peux rien, des cloches se mettent à sonner. Je m'imagine Notre-Dame. Je me souviens qu'il était question d'installer de nouvelles cloches fondues à l'ancienne, dans les règles de l'art, pour son 850e anniversaire. Et que l'inauguration aurait lieu fin mars, que ces cloches retentiraient pour la première fois. Une première série de tâtements qui en annoncerait des millions d'autres et qui verrait probablement la fin du monde, cette fois-ci pour de vrai. Cela m'apporte un goût d'éternité, comme une justice qui retentit, s'efface, ou un drame qui s'allonge et se tient délicatement au creux de ses cloches d'une nouvelle ère. Ils avaient couru partout dans les rues, dans les ruelles. Toutes les portes étaient fermées. Ils avaient cherché leur chemin dans la nuit de la ville, comme un reflet dans l'eau des vitrines. Mais la musique était aveugle et les masques éteints au volant des voitures. Ils avaient marché le long des rives, où vont pisser sur quelques herbes les ivrognes et les chiens. De quoi avaient-ils besoin ? Ils avaient couru à perdre haleine, sur l'arche des ponts dans les klaxons, le cœur au creux battant de l'appel graisseux du fleuve. Suivez les rambardes et cherchez la sortie. Ils avaient cru n'avoir rien dit, ou que la fumée l'avait étouffé à un point aux côtés. Ils avaient couru partout, effrayés par les bancs repoussés par les arbres et l'haleine des tunnels, couru pour ne pas se coucher, et après tout s'étaient perdus, ou bien n'avaient jamais su où. On ne se perd pas en prison. Ils avaient cru n'avoir rien dit. Mais au matin, sur les murs, leurs paroles en couleur s'étiraient plus loin que les banlieues. Pour le Matisse Sétier, big up. Pour les funk ici au pays, big up. Pour les 93, big up. Big up, big up aux autres, on a roulé au top. Passe là-bas. C'était paresseux. J'entends encore laisser les murmures, le bruit des pierres sur les rails qui rythmaient l'allure. J'ai kiffé chacune de nos virées nocturnes. J'ai kiffé ces moments qui me nouaient les burnes. C'était nos films à nous. C'était aussi une façon pour nous d'esquiver la monotonie du quartier. Oh, l'odeur de la cité finit par te rendre fou. Alors on allait s'évader en bande. Fallait que l'on descende dans les hangars, reprendre de l'avance sur la Comatec ainsi que sur les autres crews afin de faire le break. C'était Paris sous les bombes. C'était Paris, Paris sous les bombes. Take it. They screaming off, sit down, I scream karma. Police cars swarming the block, ready to harm us. Ain't no honor, your honor, you're in a bomber. Nation, where the fuck is it changed, Mr. Obama? A lot of promises were never kept. Yeah, them issues, they had no airtime, like Detlef Schrempf. I seen him run up in a court in a hurry. Judge up in a stand, and he swung into the jury. There was a hustle and a bustle and a scurry. Then a loud, the rest kinda blurry. The gun clapped, he shot away the grins. And a bloodbath to wash away the sins. And he tossed away the clip, then he run into the crowd. Bailiff and a plaintiff were all standing around. They screaming, officer down, he screamed, yes please. Ambulance is part of the crowd like it's a Red Sea. All he's seeing is red now, especially when they shot Oscar Grant and he was set free. Really? Revenge keeps him lying awake, cause he's seen too many people that's lying awake. See the fine to Jake dying for supplying them eight. Yeah. Signs of race buying while they lying, they wait. They trying to escape fine, he ain't trying his case. They trying his patience, hoping he die in his face. What? Welcome to the belly of the beast, man. Where they put you in a grave in the precinct. Concrete stained all that remains. They need a whole system in flames. System in flames. Yeah, the belly of the beast. Yeah, the belly of the beast. Yeah, the belly of the beast. So motherfuck the police. Fuck the police. Original, never ask what the style was. Nah, homie, I don't think you mean the same thing we mean when we say style. See, when we say style, y'all wanna stop. Check this shit out. The doubt in the air, we are the flying saucers. You are the 100 and nothing they couldn't pull us off of. But we in this motherfucker, you know it's not a toss up. We are the best shit, Chicago got the offer. Trip the digital, we print up off your masters. Before we horse kick the wickedness about to pass us. Deuce 9 south side, I'ma get the vote. Pump the spit, I just wrote, not just blowing smoke. I got dead on my knees, like I was burning a tree. Like I was swinging a machete from the neck of the knee. Need a medical leave, the sick of the baby. Me, the mother and the father, all are full of disease. So I came to weed, but then I left the seed. And gotta cover up the body of the sinner I be. All praise to the fleet, to the Trinity. To make the sign of the cross over the water to be. Smash it to the particle, the shard of the hologram. I asked me what I thought of what I bought, you know I did it. I dug a bigger money pit and fit it right in it. But those that like to listen, listen, those that overhold the vision. The number never under, undefined, to find a deeper vision. Slid through the nothing on the ones, complete the major seas. With those that did it, please for fame, saying they did it. Complaining, the paying dues, just amazing, hater made it these. TC, we came to get down. Turn the system up while you fucking around. You're listening to typical original sound. But if you wanna see the throne, then consider the crown. TC, we came to get down. Turn the system up while you fucking around. You're listening to typical original sound. If you wanna see the throne, then consider the crown. Original, never ask what a style from. Original, never ask what a style from. I ain't playing with you either. Au surplomb du terrain, des silhouettes bord cadre ondulent à l'avenant de voiles verts et blancs. Entre peupliers nus de mars, une marelle de terre ocre t'improvise un ciel possible. Soudain tu sens, caressant la surface des pierres, l'intense cambrure, l'oscillation du jour qui s'ouvre comme cocon. C'est ta millième naissance à l'aube de tes 6 ans. Les yeux vides du monde sur toi t'exilent des couleurs. À l'heure dite, brume à la mer s'insinue l'ombre des morts, l'ombre des mots. Pour point de mire, une cigarette fantôme rougeoie sa nostalgie, brûle paupières et vaisseaux. Le long d'odeur d'urine, les pas qui le séparent toujours de la marée montante, coiffés de balcons cheminant en sens inverse, l'homme ignore le jour et lieu, mais apprend par cœur les mots du faire-part des murs sacrifiés. Ce doit bien être une naissance dont il écarte les branches. Il faudra des années pour nettoyer les traces de sa mise bas sur l'asphalte. En finir avec l'amour, une fois pour toutes. Dénouer corps des mâts, des corps. Faire croiser cris de forge, trancher dans le cœur, source rebroussée de l'enfance. Te nomme, un jour il faudra en finir avec l'amour. la face cachée des objets, ton sang mêlé d'entre les mots. Dénouer les fils qui te nomment, tu. In it. Just the backside of every single Une mémoire sans oubli pèse sur toi depuis toujours. Des souvenirs même dans le silence. Autour du pain coupé. Et tes sœurs droites sur leurs chaises. Qui te regardaient tomber. Tu avais 10 ans, un train passé dans la neige. Battre les draps sur l'herbe des cours. Et le pliage à 4 mains lissé à l'ongle pour l'armoire. Tu te souviens du blanc. Où tu voyais du rouge. Enfermé dans les chambres, le père et la mère parlant bas, les sœurs cachées sous les lits, et le silence qui te prenait la gorge. Tu me parles de l'oncle mort sous la frondaison des mitrailles, dans les grands froids, de son nom qu'on t'a donné, pour qu'il vienne à ta place, et chaque jour, à petit souffle, ta vie cherche son chemin, malgré lui. La nuit vient chercher ton corps, où tremble, un rêve Dieu battu. Il porte en lui ses plaintes de bois sec, que rien jamais n'éteint. Un peu de lait tourne gris dans le bol oublié. Un reste de gâteau va tomber de la table morte. Une proie encore pour les chats dans ta gorge, apprivoisée avec la mie crachée. Et tu attends la levée du jour, pour tomber. Nothing's good.